Les amours de la duchesse de Charles Diguet. Chapitre 1er. Le coupé bleu. Un samedi du mois de décembre 1860 et quelques, vers les 4 heures de l'après-midi, un coupé bleu ciel, traîné par 2 chevaux bais pur sang, descendait rapidement l'avenue de l'Impératrice. De temps en temps, une jeune femme montrait sa charmante tête blonde et saluait de la main quelques jeunes beaux qui caracolaient dans l'allée réservée. Arrivé près du lac, le coupé s'arrêta. La jeune femme descendit et s'engagea dans une allée transversale du bois. Le samedi est un jour affectionné par la haute fashion, par les amoureux et par les rêveurs. Les gens de bon ton le choisissent parce que les gens de travail sont occupés. Les amoureux et les rêveurs l'idolâtrent. Les premiers parce que personne ne les dérange dans leur tête-à-tête et qu'ils ont la grande journée du dimanche pour songer à leurs amours de la veille. Les seconds enfin, parce que le bourgeois du dimanche ne vient point faire envoler leur rêverie cette douce compagne du silence. Gaston d'Erfut était au nombre de ces derniers. Il était venu au bois sans but et en flânant. Quand il aperçut le Binder, il s'arrêta. Cette coquette voiture ne pouvait être que le nid d'une délicieuse femme. Sur les panneaux était peinte une couronne de duchesse avec croissant d'argent sur champ d'azur et la devise « J'y suis ». Parmi les promeneurs qui avaient examiné le coupé, les uns avaient envié les chevaux à la noble encolure et aux jambes fines, les autres les jouissances que donne la richesse. Gaston n'avait vu que la suprême élégance et la coquetterie d'une femme d'un sentiment exquis qui a fait du luxe une nécessité, et qui, dans les moindres choses, apparentes ou non apparentes, déploie tout l'art de son sexe joint au goût parisien. Il contempla longtemps ce bel attelage en se répétant la devise « J'y suis ». La devise ne pouvait mentir. La voiture devait bien être la femme qui transforme en elle-même tout ce qu'elle touche. Ce coupé si charmant ne pouvait abriter qu'un profil d'ange. Gaston songeait toujours et regardait sans voir. À quelques pas de lui était la jeune femme descendue il n'y avait qu'un instant. Elle faisait signe à son cocher d'approcher. Au mouvement des chevaux, le jeune homme sortit de sa rêverie et se trouva en face d'une femme plus belle encore qu'il ne se l'était imaginée. Elle avait relevé son voile. Il la regarda presque stupidement et sentit le rouge lui monter jusqu'aux oreilles. La duchesse se prit à sourire et monta dans son coupé. Gaston ne remarqua pas le charmant pied emprisonné dans une botte mordorée et garnie de cygne blanc. Il voyait la tête de l'ange et rien de plus. Nous mentionnons ce fait car Gaston d'Erfurt avait une passion pour les petits pieds et les jambes bien faites. La figure était presque l'accessoire. Voulait-il parler à une femme, la jambe décidait, la figure ne venait qu'après. Ce jour-là, il pouvait bien déroger un peu à ses habitudes, l'ovale était si pur. C'était un rêve de poète qui, bien qu'impalpable, pour lui du moins, se trouvait tout à coup matérialisé. Ce rêve de chair, qui venait de le pétrifier si inopinément, avait pour auréole un des plus délicieux cadres qu'on puisse inventer. La belle inconnue avait une robe en velours grenat, avec un par-dessus de même étoffe, doublé de satin blanc. Un chapeau en velours royal bleu encadrait son visage que couvrait une voilette en point d'Angleterre. L'or scintillant de ses cheveux brillait à travers. Tout en donnant des ordres à son cocher, elle regardait ce passant dont la naïveté signifiait si clairement « Dieu que vous êtes belle !» On lui disait tous les jours qu'elle était jolie. Mieux que personne, elle le savait. Mais cette extase d'un inconnu, cette adoration muette, la rendirent heureuse. D'un seul coup d'œil, elle analysa les traits de ce promeneur, dont les vêtements duraient toujours. Elle les trouva distingués. Le jeune homme lui parut intelligent, et sa tacite admiration, sa rougeur dont il n'avait pas conscience, lui allèrent encore plus au cœur. Elle fut sur le point de le faire monter à côté d'elle. À Paris, les jolies femmes ont tant de caprices excentriques qu'elles satisfont chaque jour que ce qui paraîtrait une monstruosité aux gens de la province est une chose toute naturelle pour elles et pour ceux qui les aiment, et tous ceux qui les aiment sont le tout Paris. La dame au coupé bleu ne céda point à son inspiration. « Bah !» se dit-elle. « Allons !» La voiture n'était plus là quand Gaston s'aperçut qu'il avait extraordinairement rougi. Le temps, si beau il y avait 20 minutes, lui parut froid et sombre. Le soleil avait lui, le givre descendait. Il prit la route de Paris. Je le reverrai, se dit-il. Il est là, un cocher, sauta dans une remise que, pour la première fois de sa vie, il trouva misérable. Les ressorts lui paraissaient en mauvais état. Grâce aux voitures qui allaient et venaient, l'équipage de la dame avait ralenti sa course. Les yeux de Gaston et de la jeune femme se rencontrèrent de nouveau. L'ange redevenu femme ne trouva plus son admirateur intéressant. Dès le moment qu'il la suivait, tout prestige avait disparu. Elle détourna les yeux. Bientôt ses chevaux l'emportèrent. Le rêve était évanoui. Au rond-point de l'étoile, le cocher demanda à Gaston où il fallait le conduire. « Où vous voudrez ?» répondit l'Erfurt, absorbé par la blanche apparition envolée. « À Charenton, la blanche, chanta le cocher entre ses dents, tu portes un amoureux. » L'amoureux descendit place de la Concorde. Peut-être Gaston ne s'était-il jamais trouvé si isolé dans cet immense Paris qu'à cette heure. Qu'était cette femme qu'il n'avait fait qu'entrevoir? Que faisait-elle, cette étrangère, devenue tout à coup sa pensée, tandis que lui était seul, coudoyé par des indifférents? La jalousie le mordit au cœur. Il ne se dit point « Comment la retrouverai-je ? » Mais bien, je la retrouverai. Le soir, Gaston était aux Italiens. Arrivé le premier, il vit la salle se remplir. Quant à la céleste vision, elle ne reparut pas. Pendant les entr'actes, il se promena au foyer et dans les corridors. Toutes les femmes lui semblaient laides et de mauvais genre. Aussi retourna-t-il l'argument qu'il s'était posé pour venir au spectacle. 2 heures auparavant, il s'était dit que sa blonde ne pouvait pas ne pas avoir sa loge à la salle Ventadour. Vers 10h30, il se dit qu'il était fou, qu'une femme de bon ton se trouve toujours aux premières. Or, on donnait aux Français une première de M. Émile Augier. Ce qu'il disait de vrai, c'est qu'il était fou. Retourné à sa modeste place du parterre, il commença à se torturer l'esprit par des réflexions plus étranges les unes que les autres. Il se figura la jeune marquise étendue sur une causeuse dans un élégant boudoir et riant aux éclats parce qu'on lui annonçait qu'elle a un amoureux et que ce soupirant est à cause d'elle au parterre aux Italiens. Il lui sembla entendre dire par cette voix charmante « Fille donc, est-ce qu'on aime au parterre ?» Alors il comprit sa folie. Une distance infranchissable le séparait sans doute de cette femme. Le hasard qui pouvait bien la lui faire rencontrer aplanirait-il l'obstacle? Toutefois, cet éclair de raison dura peu. Gaston sortit rêvant à son rêve. Les jours suivants, entre 3 et 4 heures, on était sûr de le rencontrer soit dans l'avenue de l'Impératrice, soit autour du lac. Il se multipliait, pour ainsi dire. La glace avait rendu le lac solide. Il suivait les traîneaux et les patineurs. Ce fut en vain, la fatalité s'en mêla, et le coupé bleu ne vint pas. Comment Gaston était-il tout à coup tombé amoureux de cette femme, ou plutôt de cette ombre qui, à ses yeux, réunissait toutes les perfections? Si l'amour est un sentiment du cœur qui le porte vers ce qui est, ou paraît aimable, en nous donnant le désir de le posséder, certes, il avait raison, car toute femme est aimable, et entre toutes celles qu'il avait entrevues. Si l'amour est une affection vive de l'âme qui nous entraîne vers ce qui est enchanteur, on le reprendra moins encore. Si, enfin, l'amour est une émotion de l'âme qui désire s'unir à ce qu'elle estime de bon, Gaston avait raison. Cependant, à quoi peut aboutir l'amour pour un feu follet, quelque séduisant qu'il paraisse? Le moyen de retrouver une femme dont on ne sait pas le nom pour lui dire « je t'aime ». Comme ce mot lui sembla grand et magnifique, 20 fois il le répéta dans le vide. Qu'eût-il fait si pendant ces délires de l'âme, cette femme lui eût apparu? Son premier mot eût-il été un mot d'amour ou une imprécation? Le coup de foudre qui une fois dans la vie frappe l'homme était porté. Gaston eût dit « je t'adore », soit à l'être idéal, soit au lutin de Fange.